Do you like Dire Straits? Do you like Dire Straits? Thank you. Joe, be doing alright.

quoi c'est étrange l'océan. Là par contre, il faut se noter. Bien chanté, Océan. Coming out the rain, just hold down. Ever all bloody that song, the song. Oui, chantez, chantez. Viens chanter avec moi, Océan. Moi j'aimerais bien qu'Océan y vienne chanter avec moi. Elle, je sais plus si t'es un garçon ou une fille, je me rappelle jamais. Je sais pas c'est quoi ton vrai prénom. J'espère que tu m'en veux pas parce que je devrais le savoir depuis le temps, mais je ne retiens pas. Thank you. allez, j'arrête. Joli son là. C'est qui a ce joli son là? Benjamin, toi qui connais bien la... Oui, je t'écoute. Qui c'est qui a ce joli son? Ah mais c'est toi Océan. Ah putain, il est bon ton son. Oui, moi qui connais la faune, ouais, je t'écoute. Va voir le forum français. Faut aller voir le forum français. Tout de suite là. Attends, faut que j'aille dans le Nimbot, c'est ça? Tu veux me faire voir quoi? Attends, j'y vais. Nimbot. J'y vais. Je suis. Alors, forum français. Forum. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Keep on rolling. J'y suis, hein, je sais pas ce qu'il faut que tu veux que je fasse. Bon, on ralentit. On a un petit bébé. Hein, une drôle d'histoire. J'ai pas compris, Océan. M'expliquer parce que j'ai pas compris. Who want to play a song for the last minute for me because I must go? Faut que je parte en concert, non c'est pas vrai. Vu qu'on est tous confinés comme des cons. Trouve-moi. Il faut que je te trouve. D'accord. Alors, aussi, j'ai menacé. Cambriolé. Oh putain! Ah oui, je vois le message. Non. Ah merde. Oh non, pas lui. Oh non. Ouais, mais bon, moi, il veut plus me parler, il veut plus me voir sur les serveurs. D'ailleurs, je peux le dire devant tout le monde, j'en ai rien à foutre. File, je mange, t'emmerde, j'ai rien à foutre. Il m'a interdit d'aller sur les serveurs ou quand je suis quand il est en train de jouer. Ça me fera pas dingue, il est dingue. Je m'en prends. Enfin, par contre, ouais, ça craint. Ouais. Ça craint. Si t'as fait des captures d'écran, ben gardez. C'est dommage parce qu'il était sympa au début, puis après. Je sais pas si ça vient de. Problème personnel. Ah ouais, ça craint, putain. Ça craint. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, tu portes plainte. Hein. Enfin, on t'a rien piqué. Donc, par contre, c'est une violation de domicile. On m'a volé des pièces d'identité. Le problème c'est que les flics en ce moment. Ouais. Ouais. À attend la suite de la fin d'histoire. Ça craint. Je comprends pas qu'il y a des gens qui menacent sur ces trucs où on fait de la musique. S'ils sont pas contents, ils viennent pas, puis c'est tout, quoi. Ou alors ils se créent un serveur personnel et ils jouent ensemble, quoi. Oh, tu penses que la vente. Ah bah tu m'étonnes, moi si on vient chez moi. J'aimerais pas qu'on vienne cambrioler chez moi. C'est arrivé quand ça? Tu l'avais marqué le 25 avril. Ouais, ça craint. Je sais pas quoi te dire. Moi j'aurais fait pareil, j'aurais porté plainte. Cassage d'ambiance. Mais bon, je te plains. Ouais. Bah si, ça craint, quoi. Moi, il y a des gens sur Ninbot qui me parlent plus. Et il y a des gens que je... Ouais. Quoi qu'il en soit, je te dis, moi, il y a des gens avec qui je joue plus de la musique. Parce que ça... J'ai pas de temps à perdre avec des cons. Et puis j'ai pas besoin de jouer de la musique avec eux, je m'en branle. C'est pas grave. Faut les ignorer, quoi. L'ignorance, c'est le plus grand des mépris. Putain, par contre, ça coupe, là. Ça coupe. Ça, c'est ma connexion Internet qui déconne. Je vais aller voir ma vitesse Internet. J'ai pas une grosse vitesse. Est-ce que vous avez une bonne vitesse internet, vous? 6500 kbps. Non, combien? J'ai ça, moi. C'est bien ou c'est pas bien, ça, là? Parce que ça coupe, putain. Ah, mais peut-être c'est parce que j'ai... Attends, je vais enlever un canal. J'en sais rien, je sais pas. Attends, je vais enlever ça pour voir. Hop, j'efface ça. Je mets juste un canal pour voir si ça change. Vraiment, depuis le confinement, moi ça marche moins bien. Par exemple, là, putain, mais c'est désaccordé. Ouais. Putain, je suis encore désaccordé. Qu'est-ce qui se passe par rapport à Crimson? Thank you. suis accordé. J'arrive pas à me caler là. Hey, je vais me reconnecter. Thank you. Thank you.